Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle a été la campagne pour le Grand Berlin avant la Première Guerre mondiale? Comment s'adapte la métropole allemande à l'ère des masses dans les années 1920? Quelle modernité incarne-t-elle? Est-elle une impossible capitale républicaine? Quelle matrice d'une culture ambivalente de la métropole représente-t-elle? Demande Céline Trottmann-Waller, professeure en études germaniques à l'Université de Paris 3, qui travaille sur l'histoire des sciences humaines dans l'Allemagne du XIXe siècle. Comment l'unité intellectuelle de l'Europe a-t-elle été brisée en 1914 et quelles ont été les conséquences désastreuses à long terme de la guerre des esprits? Quel a été le boycott de l'activité scientifique des puissances centrales pendant la Première Guerre mondiale? Demande Jürgen von Ungern-Sternberg, professeur émérite en histoire ancienne à l'Université de Bâle. Dans une approche interdisciplinaire, nous vous invitons à écouter ces jours-ci les contributions qui ont été données en octobre 2014 lors du grand colloque de rentrée du Collège de France intitulé « Autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres » sur la question des répercussions sur le long terme de la Première Guerre mondiale. Le physicien Serge Haroche, professeur émérite du Collège de France qui participait au colloque, rappelle dans l'introduction des actes du colloque publié chez Odile Jacob, et je le cite, « Comprendre le monde, c'est se poser des questions sur la condition de l'homme, sur sa relation à lui-même et aux autres, et sur ses plans encore dans les domaines de la psychiatrie, la psychanalyse, de la sociologie et de l'anthropologie. Le temps de la Grande Guerre a été un moment de mutation profonde. » Ce colloque du Collège de France ne s'est pas placé sur le terrain géopolitique ou historique. Nous n'avons pas cherché à discuter directement les événements qui ont conduit à cette guerre ou qui l'ont suivi. Nous nous sommes attachés, en revanche, à analyser les grandes transformations qui l'ont accompagné dans tous les domaines évoqués plus haut. Elles font qu'un Stefan Zweig a pu se référer au temps d'avant 1914 en l'appelant avec nostalgie le monde d'hier, un monde où l'on vivait, pensait, et sentez les choses autrement. Et nous gagnons tout de suite le Collège de France le 16 octobre 2014 pour le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres, avec en première partie Céline Trottmann-Waller, Berlin après 1918, une modernité problématique. Le Berlin d'après 1918 a deux visages qui à première vue peuvent paraître difficilement conciliables. Il est d'un côté l'épicentre de la crise que connaît l'Allemagne après la guerre, avec le choc de la défaite, l'instabilité économique, la révolution et un climat insurrectionnel durable. De l'autre, il devient un des lieux emblématiques de ce qu'on en a appelé les « Roaring Twenties », comme âge d'or d'une certaine modernité artistique et culturelle. Les historiens expliquent ce paradoxe en rappelant à juste titre qu'on peut distinguer deux périodes dans l'après-guerre. L'immédiate après-guerre, 1918-1923, période difficile et troublée pour les raisons évoquées à l'instant. Puis les années 1924-1929, où la situation paraît s'améliorer brièvement grâce à un essor économique mondial, à la jugulation de l'inflation, au retour de l'Allemagne à une normalité relative dans les relations internationales. Du point de vue de l'histoire culturelle, par nature plus centrée sur les temps longs, il peut paraître plus pertinent d'aborder l'ensemble de ces années comme une période profondément ambivalente où la sensation de rupture pouvait signifier aussi bien la perte des repères que le rêve d'un monde meilleur, l'atonie ou l'élan du renouveau. Le Berlin de cette époque est donc un laboratoire où s'expérimente la modernité urbanistique, architecturale, artistique, mais aussi un creuset où se condensent tous les fantasmes positifs et négatifs associés à la ville et plus encore à la métropole, à la fois ordre et désordre, progrès et décadence, monstres et merveilles. Pour analyser la nature de ce cocktail détonnant, il m'a semblé nécessaire de partir du très concret, de la matérialité et de la spatialité de la ville, comme l'ont fait les témoins les plus lucides de cette époque. En donnant naissance à l'une des plus grandes villes du monde à l'époque, le Grand Berlin, réalisation d'un projet d'avant-guerre, permit à la capitale allemande d'accéder pleinement au statut de métropole. Il créa les conditions nécessaires pour rationaliser l'organisation de l'espace dans un Berlin élargi, mais il contribua aussi à une massification, source de nouveaux problèmes logistiques et sociaux. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, Berlin connut un essor économique important et un afflux massif de population. Pour loger les nouveaux arrivants, on construisit, surtout au nord et à l'est de la ville, des Mietskasernen, casernes locatives, où résidaient dans des conditions souvent dénoncées le prolétariat urbain. Dans les faubourgs limitrophes furent construites également des usines, voire de véritables zones industrielles comme Siemensstadt ou Borsigwalde. Pour remédier à cette croissance urbaine visiblement chaotique, un certain nombre de réformateurs estimaient qu'il fallait fusionner en une seule entité Berlin et les communes indépendantes qui l'entouraient. La campagne pour le Grand Berlin, menée à partir de janvier 1906 par des architectes, des ingénieurs et des associations professionnelles, donna lieu à la publication d'un manifeste et à l'organisation d'un concours dont l'objet était un nouveau plan général pour l'espace dit du Grand Berlin. Je n'ai pas le temps ici d'entrer dans le détail des projets primés ou non primés en mars 1910. On peut retenir dans l'ensemble que les propositions ne constituaient pas un plaidoyer contre la grande ville ou pour sa dissolution, mais cherchaient à l'améliorer et à la rationaliser. En dehors d'un centre monumental, voulu par les organisateurs, elles proposaient une métropole étagée avec des blocs urbains réformés au centre-ville et des banlieues jardins autour de petits centres dans l'espace périurbain. Une application concrète de ces idées n'était cependant pas envisageable, d'une part en raison de la concurrence dans l'urbanisme privé, d'autre part parce que la fusion de toutes les communes concernées qu'elle impliquait suscitait la crainte d'un bouleversement des rapports politiques au sein de la municipalité. Avant même la clôture du concours, il fut décidé néanmoins d'organiser à Berlin une grande exposition internationale d'urbanisme qui se tint entre mai et juin 1910 et fut visitée par environ 65 000 personnes. Cette exposition, première grande apparition de la jeune discipline dans l'espace public, reflétait ainsi la place que prenait désormais Berlin dans les débats autour de la planification urbaine au niveau international. Avec la création en 1911 du syndicat intercommunal du Grand Berlin, on tenta d'apporter une solution à certains des problèmes liés à l'émiettement, tout en empêchant que le Berlin rouge ne devienne plus dominant dans la politique prussienne et impériale. La campagne pour le Grand Berlin se poursuit donc au-delà de la création de ce syndicat. Pour Werner Hegemann, qui en fut un des acteurs les plus actifs, la démocratisation de la discussion sur la ville, la mobilisation de ses habitants et un développement dynamique avec des transformations durables ne faisaient qu'un. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, le grand projet d'une véritable décentralisation de la métropole berlinoise resta un programme d'opposition. Il fallut l'effondrement de l'Empire suite à la guerre et la Révolution en 1918 pour que le Grand Berlin devienne, 10 ans après le concours et l'exposition, un programme d'action gouvernementale. Le 1er octobre 1920, la loi dite du Grand Berlin opère la fusion entre la ville de Berlin, 7 villes environnantes, 59 communes rurales et 27 communes seigneuriales. Le territoire de la ville est multiplié par 13 et passe de 6500 hectares à 878 km², presque 8 fois la superficie de Paris. Le nombre d'habitants, qui a pour ainsi dire doublé en une nuit, s'élève à présent à 3,8 millions. Berlin est devenue la plus grande ville industrielle du continent, la 2e plus grande au monde derrière Los Angeles du point de vue de la superficie et la 3e derrière Londres et New York du point de vue du nombre d'habitants. Celui-ci s'accrut encore dans les 20 années qui suivirent. En 1939, il atteignait 4,3 millions. Le terme de « 4 Millionenstadt », ville de 4 millions d'habitants, s'imposa pour désigner à la fois la géante que Berlin était devenue et les problèmes logistiques inhérents à ce gigantisme. Le Grand Bernin a fourni les conditions pour une politique de modernisation urbanistique, même si l'architecte Martin Wagner, devenu conseiller à l'urbanisme pour Schöneberg en 1918, puis pour la ville de Berlin en 1926, n'avait évidemment pas les pouvoirs qu'aura Alfred Speer pendant la période nazie. Pour répondre aux problèmes de logement, encore aggravés par la guerre et l'arrivée massive de réfugiés et d'immigrants, le bureau de planification de la ville de Berlin put mettre en œuvre sous la direction de Wagner, en collaboration étroite avec la GEHAG, une société d'épargne et de construction de logements d'intérêt public, et à l'aide d'un impôt sur les loyers, un vaste programme de construction d'habitations, principalement sous forme de grands lotissements, les Siedlungen. Il recruta pour ces programmes des architectes comme Bruno Taut, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Hans Scharoun, Hugo Hering. Dans l'ordre chronologique des débuts de travaux, il s'agit de la Siedlung en forme de fer à cheval à Britz, de la Siedlung de la case de l'oncle Tom à Zehlendorf, de la Wohnstadt Karl Legien à Prenzlauer Berg, que vous voyez ici sur une photo d'Arthur Köster, qui se spécialisa à cette époque dans la photographie d'architecture et contribua considérablement à la diffusion des formes nouvelles. Enfin, de la gigantesque Siemensstadt. Wagner lui-même s'investit plus précisément dans le réaménagement du centre du Grand Berlin. Il est à l'origine de l'extension du métro, des plans pour la place de la République devant le Reichstag, de la reconfiguration de l'Alexanderplatz, des plages de Wannsee et de Müggelsee. Son but était de transformer Berlin métropole en un, je cite, « lieu de travail heureux et de loisirs heureux », comme il était dit en 1929 dans la revue « Le Nouveau Berlin, das Neue Berlin ». L'exposition sur la construction et l'urbanisme qui eut lieu à Berlin en 1931, triomphe du Neues Bauen, du nouveau style architectural, marqua à la fois l'apogée et le dernier feu de cette période de grands projets pour le logement social et les espaces de loisirs pour tous, déjà mis à mal par la crise économique de 1929. Les grands projets urbanistiques et architecturaux berlinois des années 20 n'en connurent pas moins un écho important à l'étranger, notamment en Europe de l'Est, avec par exemple la ville de Varsovie ou le plan du Grand Moscou. Dans le Berlin des années 1920, des questions très matérielles et très techniques, comme la taille et le tracé des rues, la forme donnée aux places, la hauteur des bâtiments, les matériaux utilisés, etc., suscitent des débats passionnés. On ne s'en étonnera guère si on songe que depuis le tournant du siècle, de nombreux auteurs ont insisté sur les liens entre formes architecturales et formes politiques. D'autre part, ces débats sont sous-tendus par l'angoisse que pour la ville, le changement d'échelle ne signifie aussi un changement de nature. Dès le concours pour le Grand Berlin, les questions relatives à la circulation étaient apparues comme centrales dans le réaménagement de la ville. Dans le Berlin des années 20, on continue à s'attaquer dans ce domaine à deux problèmes centraux, l'absence d'un grand axe ferroviaire nord-sud et le manque d'axes routiers est-ouest. Ces chantiers, étalés sur plusieurs décennies, ne sont qu'un des éléments qui font du Berlin d'après 1918, encore plus qu'avant, une métropole de la circulation, eine Verkehrsmetropole, et ceci même si les véhicules personnels extrêmement coûteux sont encore rares. L'AVUS, Automobile, Verkehrs- und Übungsstraße, dont la construction avait été entamée sous Guillaume II, mais ralentie par la guerre, est finalement inaugurée et ouverte à la circulation en septembre 1921. Elle est la première rue en Europe exclusivement destinée aux voitures, la première autoroute autrement dit. Il peut paraître symptomatique également que Berlin ait été en 1924 l'une des premières villes en Europe à disposer d'un feu de circulation importé des États-Unis. C'est sur la Potsdamer Platz que se trouvait cette tour à cinq côtés, dont chacun faisait face à l'une des artères partant de la place et comportait des feux signalétiques actionnés par un policier. La circulation paraissait donc de mieux en mieux contrôlée. Mais comme le formulait le reporter Egon Erwin Kisch, pour expliquer l'extension du métro souterrain, en haut, dans la rue, il n'y a plus de place pour les personnes. La ville, de plus en plus grande, de plus en plus complexe, apparaissait parfois comme une gigantesque machine, animée d'une volonté propre, déconnectée de celle des hommes et de leur contrôle. Nombreux étaient ceux qui décriaient l'évolution de Berlin vers une métropole machinisée et bureaucratisée comme une déshumanisation de la ville, dont les habitants étaient réduits à de simples unités fonctionnelles, leur quotidien lui-même technicisé et parcellisé. Je cite « Le Berlinois est un esclave de son appareil ». Il est usager des transports publics, Spectateurs des théâtres, clients des restaurants et employés, humains, il l'est moins, écrit Kurt Tucholsky en 1919. J'en arrive à ce qu'on a appelé la troisième dimension de Berlin et à cette illustration parue en 1912 en couverture d'une brochure du même nom qui rassemblait les résultats d'une enquête effectuée par le journal Berliner Morgenpost concernant la possibilité d'introduire des gratte-ciels dans le paysage berlinois. Le véritable débat autour de la troisième dimension ne commence cependant en Allemagne que vers 1920. Les nombreux projets conçus alors démontrent un enthousiasme certain pour cette nouveauté importée des États-Unis, mais aussi une évidente volonté, je cite, de germanisation du gratte-ciel, puisqu'on entendait manier celui-ci de façon plus cohérente et plus esthétique qu'en Amérique. D'autre part, tout se passe comme si à l'extension de la ville vers le haut correspondait proportionnellement une extension vers le bas. Les passages souterrains, qu'ils passent sous des rues ou des voies de chemin de fer, comme dans la miniature de Krakauer qui porte ce titre, se multiplient. Krakauer a très bien décrit ces constructions oppressantes, passages d'enfer, que les passants traversent le plus rapidement possible, croisant sans les rencontrer des mendiants rejetés par le froid et la pluie vers ces zones en sous-sol où ils se confondent presque avec les murs. Il peut être intéressant aussi de rappeler ici qu'un certain nombre des projets de gratte-ciel pour Berlin furent utilisés par Erich Kettelhut pour créer les décors du film de Fritz Lang « Metropolis », qui met en scène d'une part une ville supérieure, riche et puissante, faite de gratte-ciel, mais aussi, comme par un effet de symétrie inversée, une ville inférieure où vivent les masses laborieuses, un monde souterrain, fruit d'un imaginaire cauchemardesque. L'accent mis sur la circulation s'inscrit dans le cadre d'une vision de la ville comme un ensemble unifié par un grand flux permanent où s'offre à tous la possibilité d'aller partout à tout moment. Cette représentation de la mobilité spatiale était parfois associée à celle de la métropole comme d'un espace de forte mixité sociale où s'aboliraient les carcans des sociétés plus traditionnelles. Par opposition à cet idéal, les quartiers du Berlin des années 20 dessinent dans leur grande variété typique des métropoles une réalité profondément hétérogène, à l'image de la structure sociale de la société de l'époque et des inégalités qui la caractérisent. La ville en tant qu'entité concentre certes en elle toute la palette des situations sociales, y compris les plus extrêmes, mais elle est répartie dans l'espace de la capitale sous forme de zones délimitées par des frontières invisibles, selon des règles et des mécanismes que la statistique et la sociologie urbaine émergente de l'époque essaient d'analyser. Comme le soulignait Egon Erwin Kisch dans l'un de ses reportages berlinois, le métro ne faisait qu'accentuer les effets de cette, je cite, non pas Kisch, mais un analyste contemporain, topographie de classe, puisqu'en voyageant dans les tunnels, on pouvait passer sans transition d'un extrême à l'autre, ou comme il le décrit plus précisément, monter dans le métro au milieu des belles villas du parc de Schöneberg et sortir à Rummelsberg, au milieu de casernes pour prolétaires et d'usines enfumées, sans avoir rien vu entre les deux. C'est aussi l'arrivée d'immigrants qui fait naître de nouveaux quartiers, ou plutôt donne lieu à la mutation de certains d'entre eux, suivant des logiques à la fois culturelles et sociales. Le Scheunenviertel, quartier des Granges, près de la Friedrichstraße et de l'Alexanderplatz, où devaient résider au XVIIIe siècle les Juifs de Berlin, et où s'installa par la suite une grande partie des immigrés juifs d'Europe de l'Est, dont le nombre crut considérablement à la fin de la guerre en raison des conflits liés à la dissolution des empires russes et austro-hongrois et en raison de pogroms. Le quartier de Charlottengrad, selon le surnom que les Berlinois donnèrent à la zone d'un rayon de 1,5 km environ, autour de la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, où se concentrèrent en grande majorité durant les années 20 les réfugiés et émigrés russes et où ils ouvrirent écoles, maisons d'édition, théâtres et magasins russes. Si la Révolution a fait surgir la vision d'une ville où se matérialiseraient les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, et si beaucoup d'architectes se sont investis dans le groupement d'artistes révolutionnaires November Group, le groupe de novembre, une véritable transformation de Berlin en capitale républicaine n'était pas si aisée. Malgré les nombreux bouleversements que connaît la ville dans les années 20, il pouvait sembler effectivement que ses bâtiments, ses monuments, sa configuration même, fruit de son histoire, loin de réduire ce passé à de simples traces, continuer d'une certaine manière à le faire vivre et constituer des obstacles de poids à l'émergence d'une nouvelle ville, autant dans l'architecture que dans les mentalités. L'un des lieux concernés était l'allée de la Victoire, que vous voyez ici sur une carte postale de 1902. Allée monumentale, conçue et financée par Guillaume II comme allée d'agrément du Grosser Tiergarten, bordée de 32 monuments de marbre, constituant un ensemble de plus de 100 statues incarnant les margraves, princes électeurs et rois de Brandebourg et de Prusse, ainsi que des héros de l'histoire prussienne. En 1918, Hans Pasche, un officier de la marine membre du Conseil des soldats, proposa de faire sauter cet ensemble. Kurt Tucholsky consacra un poème intitulé « Rupture » à cette question en décembre 1918 dans le journal satirique Hulk. Je le cite « Que va-t-il advenir à présent de l'allée de la Victoire ? Va-t-on, parce qu'elle est trop royaliste, trop autocrate, trop monarchiste, la jeter dans le nouveau lac ? Va-t-on conserver pour chaque monument le tronc et poser seulement de nouvelles têtes sur les coups ? Il y a bien des années, autrefois à l'examen, je les connaissais tous dans l'ordre. Tout cela aurait été pour rien. Passons et sourions, car nous savons bien, je crois que nous allons laisser les poupées tranquillement debout comme documents d'une grande époque. » Sans doute est-ce l'espoir d'un profond changement politique et social qui permette à Tucholsky d'envisager en 1918, comme avec un sourire, cette conservation des figures du passé à titre de document. Le ton est tout autre dans le poème « Ce qu'est au laquais sa livrée est à la République son allée de la Victoire », publié en 1929. Les derniers vers, je le cite, « La voilà l'allée. Les républicains dociles hésitent devant des publicités de marbre. Au nom de l'armée, au nom de la vieille Allemagne. Amen. » Ces vers montrent bien combien, pour Tucholsky, le Berlin des années 20 est hanté par, je le cite, « la vieille Prusse, l'ancien esprit malfaisant, l'ancienne société qui lui paraissent perdurer au-delà de la Révolution. » Un autre lieu symbolique était la place royale. Autrefois place d'armes servant aux exercices militaires des soldats prussiens, elle fut réaménagée en place urbaine après 1860. En son centre trônait depuis 1873 la colonne de la Victoire, Siegessäule. Mais c'est surtout sur cette place que fut édifié entre 1884 et 1894 le nouveau bâtiment du Parlement de l'Allemagne unifiée, le Reichstag. Après 1918 et après l'épisode weimarien, la nouvelle Assemblée nationale continua à siéger dans ce même bâtiment et la place garda aussi son nom, jusqu'à ce qu'en 1926, on ne la rebaptise Place de la République. Un concours pour la transformation de la place fut lancé à la fin des années 1920 et donna lieu à un grand nombre de projets. L'opposition mythique entre la ville monstrueuse, Babylone, ville chaos, ville débauche, et la ville lumière, rendez-vous des grands esprits gérés rationnellement, ne date pas d'hier. Mais il peut sembler que l'avènement des métropoles l'ait exacerbé. Le Berlin des années 20, en tout cas, met en lumière, pour chacun des projets constitutifs de sa culture, un net revers de la médaille. Ce n'est pas l'intérieur identifié au monde bourgeois qui est central dans les projets artistiques berlinois des années 20, que ce soit en littérature, en peinture, en photographie ou dans l'art cinématographique. C'est la rue, dans sa matérialité et dans sa vocation d'espace collectif et public comme lieu de circulation et de rencontre. Avec cette esthétique de la rue, l'art de la métropole paraissait enfin mettre les milieux populaires à l'honneur. En réalité, Heinrich Zille avait fait dès 1900 du Berlin populaire et ouvrier le sujet principal de ses dessins, publiés dans des revues satiriques comme Simplicissimus. Après la guerre, ses productions, marquées depuis toujours par un équilibre fragile entre patriotisme local et critique sociale, entre dénonciation de la misère et humour, sont commercialisées sous forme de cartes postales et deviennent un des ingrédients dans la fabrication d'une couleur locale berlinoise. C'est pourtant l'esprit de Zille qui est régulièrement invoqué lorsqu'il s'agit de représenter les milieux populaires berlinois dans le Berlin des années 20, notamment dans ce genre nouveau qu'on appelle Straßenfilm, littéralement film de rue. Simple espace de projection pour la vie instinctive et lieu de tentation au début, la rue commence petit à petit au début des années 20 à entrer véritablement en action comme l'a très bien montré Lotte Eisner pour le film « La rue » de Karl Grune, sorti en 1923, qui raconte l'histoire d'un petit bourgeois séduit par l'aventure de la rue, mais revenant à la fin dans son appartement, après avoir été mêlé à une histoire associant prostituée, proxénète, joueur. Dans ce film, tout comme dans « La rue sans joie » de Georg Wilhelm Pabst, sorti en 1925, histoire d'une jeune femme dans le besoin se laissant tenter par une entremetteuse dans un quartier où sévit par ailleurs un boucher monstrueux, le nouveau genre se construit à partir d'un imaginaire de la rue et au-delà de la vie populaire en métropole, avec son lot de filles perdues, de criminels, de bons policiers, mais cherche aussi des moyens artistiques de visualiser les artères de la métropole. Si le film de Pabst marque de ce point de vue le triomphe de l'architecture au cinéma, La tragédie de la rue de Bruno Rahn, 1927, drame passionnel mêlant deux prostituées, un souteneur et un étudiant, montre la rue essentiellement sous la forme de pavés irréguliers où l'on suit des mouvements de pieds et de jambes anonymes. Comme le montrent les réflexions théoriques de Brecht et les réalisations dans lesquelles il tenta de les mettre en pratique, une représentation du peuple qui dénonçait la misère sans la transfigurer, posait la question du statut même des personnages et de leurs paroles, celui de toute représentation en tant que telle. Les chiffres sont éloquents. Dans les années 1920, Berlin compte 3 opéras bénéficiant de subventions publiques, plus d'une trentaine de théâtres, plus de cinéma encore. Il pouvait sembler que cette abondance était le signe d'une extension selon les projets de démocratisation de la culture qui existèrent longtemps avant 1918, mais qui connurent à l'époque de la Révolution une intensification et une radicalisation marquantes. Je n'évoquerai qu'un exemple, celui du Großes Schauspielhaus que Max Reinhardt fit construire d'après les plans de Hans Poelzig sur les lieux du cirque Schumann. La ziggourat artistique du nom des temples mésopotamiens de Max Reinhardt, comme on appela aussi le bâtiment créé par Poelzig, devait abriter le théâtre des 5000, dont Reinhardt rêvait déjà depuis 1914 et dont les spectacles seraient susceptibles de toucher des classes et des couches différentes, de créer les conditions pour une transformation de la société par l'art qui partirait du théâtre. Par opposition au théâtre bourgeois, ce théâtre ne devait pas avoir un caractère didactique, mais être vécu par le public et les acteurs en commun comme un jeu festif. À cette fin, Reinhardt intégra à ses représentations des chorégraphies de masse, des effets sonores et lumineux, ainsi que des éléments issus de la culture populaire, cinéma, cirque, sport, etc. Même après le départ de Max Reinhardt, le bâtiment conçu par Poelzig resta fidèle à l'esprit qu'il avait vu naître. C'est là que le cuirassé Potemkin d'Eisenstein fut montré pour la première fois à un large public. Là encore, Karwin Piscator monta pour le 10e congrès du Parti communiste allemand la revue Agitprop, Trotz alledem, avec des décors du dadaïste John Hartfield. Ce n'est qu'un peu plus tard, après la reprise du Großes Schauspielhaus par Eric Charelle, que les revues y entrèrent jusqu'à en constituer l'offre unique. Incarnant ce culte du divertissement comme culture de la masse, dont Krakauer analysa les ressorts esthétiques, psychologiques et sociaux, tout en renonçant à la condamner tellement elle lui paraissait en phase avec l'époque. Celle-ci a vu naître, comme le diagnostiquait Krakauer, un public spécifique, le public de la métropole, qui dans ses comportements et ses goûts se distingue du public de province, mais aussi du public des grands centres industriels. À bien des égards, la culture du Berlin des années 20, dont nous ne retenons souvent que des œuvres dont l'écho fut parfois limité à l'époque, incarnait, je cite Krakauer, une culture faite par des employés pour des employés et que la plupart des employés tiennent pour une culture. Ce contexte explique qu'on ait pu voir dans le Großes Schauspielhaus, marqué par une brève rencontre entre l'avant-garde et le peuple, entre guillemets, le monument, je cite de nouveau, d'un espoir anéanti. Comme nous l'avons vu, l'afflux de réfugiés et de migrants après 1918 a transformé Berlin en une ville multiculturelle, comme on dirait aujourd'hui. On y croise dans les années 1920 des gens de tous les pays. On y entend un nombre incroyable de langues. Des journaux et des livres y sont également publiés dans ces langues, des spectacles représentés. Dans le Berlin des années 20, on pouvait écouter la messe en polonais, acheter du caviar dans une épicerie russe, manger kasher, être membre d'une association d'étudiants musulmans, s'initier au jiu-jitsu, croiser un Camerounais dans la rue et même trouver au fin fond de Neukölln, comme le rappelait Egon Erwin Kisch, un village de bohème. La ville était parsemée de quartiers culturellement marqués, autant d'antennes qui formaient un réseau reliant Berlin au vaste monde dans toute sa diversité. Car ces antennes s'étendaient désormais bien au-delà de l'Europe occidentale, aux États-Unis, à la Russie, à l'Asie, à l'Afrique. On s'intéresse depuis quelque temps à Berlin comme métropole coloniale, sachant qu'elle ne cessa pas automatiquement de l'être avec la perte de des colonies. Différents lieux dans la ville, des instituts de l'université, des musées, étaient des réceptacles et des acteurs de cette diversité et en faisaient la promotion comme d'une richesse. Il se développa une véritable jouissance de cette diversité culturelle, ce qui n'excluait nullement par ailleurs des formes de ségrégation et de ghettoïsation des cultures concernées. La ville-monde se conçoit comme un lieu de brassage, comme le contraire du terroir, loué à l'époque par les pourfendeurs du déracinement, comme antidote au provincialisme. Cet exemple d'un multiculturalisme comme succession de décors indique combien la métropole est aussi un lieu où les cultures se donnent en spectacle, où, vidées de toute substance, elles participent à une vaste carnavalisation pour un public avide de divertissements variés. On pourrait poursuivre encore ce jeu des phénomènes à double face et montrer que ce que Berlin révèle, ce sont aussi deux visages de la rationalité humaine elle-même. Comme l'a subtilement analysé Krakauer, les transformations que connaît Berlin dans les années 20 incarnent parfois une rationalité qui est poussée tellement loin qu'elle se renverse en son contraire, s'emballe, devient folle, une rationalité qui n'est pas raisonnable. Ce qui manquait selon lui, c'était la véritable raison. Vu d'aujourd'hui, il peut sembler étonnant qu'avec le Berlin des années 20, qui à bien des égards marque un début, la métropole et la modernité qu'elle incarne, comme de manière exacerbée, soient d'emblée placées sous le signe d'une tension inhérente, de la crise, de l'ambivalence. Loin de devoir être interprétée comme le signe d'un échec définitif, le cas de Berlin montre donc que si la modernité existe, c'est au mieux comme un projet toujours inabouti, toujours inachevé, qui contredit toute idée d'une fin de l'histoire. Merci. Le Collège de France et France Culture vous présentent le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée. Vous venez d'écouter la contribution de Céline Trottmann-Waller, Berlin après 1918, une modernité problématique. Et tout de suite, nous retrouvons celle de Jürgen von Ungern-Sternberg sur les conséquences de la guerre pour la vie universitaire en Europe. C'est devenu un lieu commun que de définir la Première Guerre mondiale comme la catastrophe originelle de l'Europe. Habituellement, on pense à ce propos aux millions de soldats et de civils tués ou même aux conséquences politiques, sociales et économiques de la guerre. Mais on s'est beaucoup moins demandé dans quelle mesure l'unité intellectuelle de l'Europe fut alors brisée. Certes, les proclamations patriotiques des poètes et des penseurs qui se répandirent de tous côtés au cours de l'automne 1914 ont été bien étudiées et bien présentées. Mais les conséquences désastreuses à long terme de la guerre des esprits ont été perdues de vue. Tout d'abord, il faut noter que dans la période qui a précédé 1914, il y eut aussi des féroces rivalités nationales entre les scientifiques, mais en même temps, il y avait beaucoup de bonne volonté pour coopérer, ce qui permettait qu'on naquisse des amitiés parfois profondes. Pour rester dans le domaine des études classiques et en même temps dans le cadre du Collège de France, à partir des années 1880, René Cagnat publiait avec Johannes Schmidt et Hermann Dessau les inscriptions d'Afrique du Nord pour le Corpus Inscriptionum Latinarum. Depuis 1903, Maurice Hollot était la force motrice pour la publication en collaboration avec Willem Ovitz et Hilaire Gertringen des inscriptions de Delos dans les inscriptions grecques. Il y avait depuis 1899 un accord formel à cet effet entre l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie prussienne. Surtout des spécialistes de l'Antiquité étaient eux-mêmes investis dans la création de l'Association internationale des académies qui se réunit pour la première fois à Paris en avril 1901. La présidence d'honneur fut confiée à Theodor Mommsen. Le but de l'association était la préparation et la promotion des travaux scientifiques d'intérêt international. Lui ont été consacrées les assemblées générales de Londres, de Vienne, de Rome et de Saint-Pétersbourg. La suivante devait se tenir à Berlin en 1916. En parallèle, il y eut de nombreuses réunions scientifiques internationales et même déjà un tourisme de congrès florissant. Certes, on ne doit pas idéaliser tout cela. Avec quelle ambivalence des sentiments en Camille Julien dépeint les épisodes de l'année où il a étudié auprès de Mommsen à Berlin dans ses lettres à Fustel de Coulanges. Et lors du congrès international des historiens à Berlin en 1908, la retenue française s'est clairement manifestée. D'autre part, de nombreux scientifiques allemands restaient très sceptiques à l'égard de la pratique d'échange des professeurs entre l'Allemagne et les États-Unis, qui s'était mise en place depuis 1905. Il s'agissait toujours d'un internationalisme des patriotes. Cependant, Hermann Diehl, secrétaire de la classe philosophico-historique de l'Académie de Berlin, pouvait plein d'espoir ouvrir la Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, qui venait d'être fondée en 1907, par une contribution, les initiatives pour l'unité de la communauté scientifique. Il terminait par ces mots. À la Pentecôte de cette année se réunira à Vienne la troisième assemblée générale de ces grandes associations scientifiques. Si les représentants de toutes les parties se rencontrent, il deviendra évident commun sur le terrain neutre de la science. L'amour unificateur est devenu plus fort que la haine qui divise. Le même Hermann Diehl était contraint de déplorer en 1915 une catastrophe de la science internationale. Son prétendu terrain neutre fut dès les premiers jours d'août sillonné par des profondes tranchées, alors que les véritables tranchées n'avaient pas encore été creusées. Sur ce point, la symétrie entre les positions prises est frappante. En France, toute la colère se porta contre l'Allemagne. On le comprend rétrospectivement à la lumière de l'invasion allemande du nord de la France après l'échec de l'offensive du plan de Sept. Mais il faut observer le déroulement chronologique. Avant l'invasion proprement dite, avant même les événements de Louvain et le bombardement de la cathédrale de Reims, déjà à la séance du 8 août 1914, Henri Bergson avait déclaré comme président de l'Académie des sciences morales et politiques la lutte engagée contre l'Allemagne et la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Tout le monde le sent, mais notre Académie a peut-être une autorité particulière pour le dire. Vouée en grande partie à l'étude des questions psychologiques, morales et sociales, elle accomplit un simple devoir scientifique en signalant dans la brutalité et le cynisme de l'Allemagne, dans son mépris de toute la justice et de toute vérité, une régression à l'état sauvage. De toute évidence, il n'y avait pas besoin que des événements liés à la guerre se soient concrètement produits pour que soient aussitôt mobilisés, en faisant même référence à la démarche scientifique, des stéréotypes anti-allemands et pour que soient oubliés ceux qu'on savait très bien de l'autre. Avant la guerre, Bergson avait eu de très bonnes relations avec les philosophes allemands tels que Rudolf Eucken et Wilhelm Wundt. La même chose s'applique à Émile Durkheim, qui avait étudié pendant une année en Allemagne, mais qui maintenant, en dépit de son excellente connaissance de la littérature allemande, jugeait bon, dans l'Allemagne au-dessus de tout, de fonder sa condamnation de la mentalité allemande sur un seul travail de Treitschke. du côté allemand, Werner Sombart ne se comportait pas autrement. Il assurait en conformité complète avec l'opinion générale en Allemagne qu'il n'entretenait pas de haine contre la France. Je cite. Nous pensons que malgré leur haine fanatique des Allemands, que nous respectons et que nous prenons en considération, les Français sont des adversaires chevaleresques qui nous sont très certainement égaux dans leur colère combative, dans laquelle ils mettent aussi beaucoup plus de force et de volonté à obtenir la victoire que nous étions au début enclins à le croire. Sombart était d'autant plus en accord avec ce que pensaient la plupart des Allemands que c'était sa haine spontanée et élémentaire contre la perfide Albion qui l'emportait et à laquelle il consacrait son pamphlet des commerçants et des héros. Sombart bâtissait ainsi une opposition fondamentale entre les Anglais et les Allemands, bien que comme spécialiste important de l'histoire économique européenne, il fut nécessairement mieux informé. Mais les images de l'ennemi sont largement de pure projection des espoirs et des craintes de chacun. On est celui qu'on craint. Les Allemands étaient secrètement conscients de la suprématie de la flotte anglaise et de l'Empire britannique. Et les Français avaient à l'esprit la supériorité menaçante de l'armée allemande. Un autre phénomène vint s'ajouter à cela. À l'automne 1914, d'un côté comme de l'autre, les plus vastes en guerre n'étaient pas en premier lieu les chauvins extrêmes. Ce n'étaient pas les hommes de l'action française, ce n'étaient pas les pan-germanistes. C'étaient les libéraux qui, précisément à cause de l'attitude ouverte qu'ils avaient observée jusque-là, se sentaient obligés de donner une expression particulièrement énergique au patriotisme général. En France, c'était un Bergson, un Durkheim, un Ernest Lavis qui s'étaient trouvés depuis 1910 sous la forte pression de l'extrême droite dans son combat contre la nouvelle Sorbonne germanisée. En Allemagne, c'étaient les membres du Goethe-Bund qui, depuis 1900, étaient entrés en conflit contre les cléricaux et les conservateurs pour la liberté de l'art moderne et de la littérature contre la censure d'État. Sans hésiter, ils se présentaient désormais comme les auteurs du désastreux appel au monde civilisé. Nous ne pouvons pas ici creuser davantage les discours belliqueux et les pamphlets des scientifiques pris individuellement. Des deux côtés, ils ont nourri avec force les stéréotypes nationaux et malheureusement trahi le plus souvent la tâche des intellectuels qui est précisément de soumettre à l'analyse critique les faiblesses de sa propre position. Encore plus lourd des conséquences que la colère patriotique des intellectuels fut le fait que pour la première fois dans l'histoire, ils combattirent aussi les uns contre les autres à coups de manifeste en phalange compacte. En premier lieu, ce furent les savants allemands et anglais qui entrèrent en conflit. Du côté français, on se tint dans un premier temps à l'écart de cet échange de coups. Quand on lit ces manifestes aujourd'hui, on voit que les deux côtés étaient tellement convaincus de la justesse de leur propre cause qu'ils n'étaient pas prêts à entendre les arguments de l'autre et encore moins à les apprécier avec équité. Il en résulta que cette conversation polémique fut en réalité un dialogue de sourds. Cette guerre des esprits connut une intensification symbolique avec l'appel an die Kulturwelt que 93 artistes et savants publiaient le 4 octobre. Il fut aussi pour cette raison désigné sous le nom de Manifeste de 93. Cet appel ne se distinguait pas fondamentalement des autres manifestes, en ce que, conscient de détenir la vérité, il croyait devoir remplir, comme Bergson le 8 août, un simple devoir scientifique. En fait, il était même conçu de façon défensive et voulait, grâce à la notoriété des signataires, en vérité le plus grand nombre de la science et de l'art allemande, parmi lesquels de nombreux lauréats du prix Nobel, et grâce à l'évocation de Goethe, Beethoven et Kant, obtenir la reconnaissance par l'opinion publique du monde civilisé du fait que les Allemands étaient un peuple de culture et ne pas des barbares, comme le proclamait la propagande française. Il vaut la peine de mentionner que s'il est vrai que cet appel fut signé par de nombreux professeurs, c'était surtout des hommes de lettres qui avaient participé à l'écriture de ce texte. Le premier projet venait de Ludwig Fulda, qui avait auparavant obtenu la croix de la Légion d'honneur pour ses mérites en matière de traduction d'œuvres de la littérature française. Juif allemand, il se suicida en 1939 parce qu'il n'obtint pas de visa pour les États-Unis. Dans ce manifeste, les 6 mentionnent « Il n'est pas vrai que » imprimé en gras, contestant des affirmations qui pour partie étaient effectivement indéfendables sous la forme où elles étaient avancées et qui pour partie auraient dû soigneusement discuter sur la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre en général, comme sur le comportement des troupes allemandes en Belgique, ne pouvait toutefois qu'avoir un effet de provocation sur les lecteurs étrangers. Aussi bien, l'identification totale avec le militarisme, qui était conçu en quelque sorte comme la version allemande de l'Union sacrée, était ainsi difficilement compréhensible. L'appel fut considéré comme une preuve de l'arrogance des savantes allemandes et devint aussi l'instrument adéquat pour rompre enfin définitivement avec la science allemande. Ainsi, au cours de la séance du 23 octobre, Émile Chatelain, lut-il comme président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres une déclaration, je cite, L'Académie a été douloureusement surprise de voir que des hommes illustres, quelques-uns même de ceux qu'elle avait associés à ses travaux et à qui elle avait cru pouvoir confier ainsi un part de son honneur, non par crainte pour excuser ses crimes de nier le fait le plus certain. En conséquence, elle déclare que ceux qui ont mis ainsi l'autorité de leur nom au service de la violence lui paraissent avoir manqué gravement à un devoir d'honneur et de loyauté. Les autres académies suivent en dernier lieu l'Académie des sciences le 3 novembre. Au début de l'année 1915, les signataires de l'appel qui avaient été membres correspondants furent exclus des diverses académies. Quelques-uns des membres français, mais pas tous, avaient au même moment déclaré qu'il se retirait des sociétés savantes allemandes. Le fossé entre les savants des deux côtés était profond. En Belgique et en France, on était vraiment déterminé, veillé à mettre en place après la guerre un boycott international de la science allemande que par voie de conséquence on étendait aussi aux savants des autres puissances centrales, l'Autriche, l'Hongrie et la Bulgarie. Henri Pirenne, en tant que président de l'Académie royale de Belgique, qui se réunit de nouveau pour la première fois le 6 janvier 1919, fut l'inspirateur de l'exclusion des signataires de l'appel de 93. Dans tous les débats et décisions qui s'y rapportaient, cet appel devint pratiquement l'argument passe-partout qui suffisait à définir une fois pour toutes la barbarie méthodique ou scientifique allemande. Il fut ainsi traité de façon complètement isolée, alors que les autres manifestations d'opinion qui des deux côtés posaient problème disparaissent rapidement dans un crépuscule miséricordieux. Pourtant, la lettre de Max Planck à son collègue néerlandais Hendrik Anton Lorentz, publié le 12 avril 1916, ainsi que de nombreuses autres déclarations que des signataires firent après la guerre, avaient éclairé de nombreux détails. Mais un Clemenceau n'en prit pas connaissance. lorsque le 12 octobre 1919, devant le Sénat français, il lut l'appel à haute voix et dans son intégralité. Ni non plus les avantes qui poussaient au boycott des scientifiques des puissances centrales. En ce domaine, les sciences de la nature étaient particulièrement actives. Un discours de Paul Pernevy devant l'Académie des sciences en décembre 1918 en caractérise le ton. Déjà à propos de la science allemande d'avant-guerre, expliquait-il, c'était une gigantesque entreprise où tout un peuple, avec une patiente servilité, s'acharnait à fabriquer la plus formidable machine à tuer qui ait jamais existé. Les préparatifs du boycott commencèrent pendant la guerre. Au début, les plus éminents représentants de la Belgique et de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis étaient d'accord. La démarche avait été définie à la fin de 1917 par un mémoire de Georges Lecointe pour l'Académie belge et par les recommandations que l'Académie des sciences, sous la présidence de son secrétaire perpétuel, Émile Picard, avait décidé le 30 septembre 1918. Ce fut sur ces fondements qu'une conférence préparatoire des académies de 9 pays réunies à Londres en octobre prit cette décision. Parmi les résolutions, c'était l'article 1 qui était le plus décisif, qui prévoyait la dissolution de toutes les associations scientifiques internationales et la formation de nouvelles par des puissances qui ont mené la guerre contre les empires centraux avec le concours éventuel des neutres. Au cours d'une deuxième conférence préparatoire à Paris, en novembre 1918, fut formé un conseil international de recherche provisoire avec un comité exécutif. Ce 5 membres, Émile Picard, Georges Lecointe, Arthur Schuster, Royal Society, Vito Volterra, Academia dei Lincei, et George Ellery Hale, Foreign Secretary of the National Academy of Sciences, Washington, incarnèrent l'esprit de la nouvelle entreprise. Par la formation d'union des associations internationales organisées dans chaque domaine scientifique, on voulait insuffler de la vie au nouveau conseil et en même temps contrôler l'avenir du travail scientifique. L'association des neutres faisait l'objet d'un débat. Les anglo-saxons le souhaitaient, les autres s'en méfiaient. Avec les mots de Picard, c'est par le canal des neutres que les Allemands vont chercher à entrer dans le concert des nations par une petite porte dérobée. Les décisions préalables fixaient la constitution proprement dite de la nouvelle organisation à la conférence de Bruxelles en juillet 1919. On décida d'inviter un nombre choisi d'académies de pays neutres, mais à côté des puissances centrales n'étaient pas comprises non plus la Russie et la Grèce, que l'on considérait comme trop germanophiles. Bien entendu, les premières difficultés apparurent bientôt. En Angleterre, surtout, de nombreuses sociétés savantes ne voyaient pas pourquoi elles auraient dû subordonner au nouveau conseil. Dans les pays neutres, nombreux étaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'exclusion des puissances centrales. Une lettre de protestation du néerlandais Jacobus Cornelius Kaptein recueillit plus de 200 signatures. Elle était complètement prémonitoire. Je cite, « Croyez-vous bien faire en allumant le flambeau de la guerre à peine éteinte dans le champ politique, dans le terrain sacré de la science, à qui la responsabilité si plus tard les savantes des empires centraux se sentant insultées, refusent de renouer les liens que vous déchirez. Au cours de l'année 1920, les académies des pays neutres entrèrent pourtant au Conseil. C'est plus essentiel était, à côté de l'exclusion des savantes, l'élimination de la langue allemande de l'espace international et le refoulement des revues des recensions allemandes jusqu'ici dominantes. Tout d'abord, le boycott fut efficace. Les savants des puissances centrales ne furent pas invités à la plupart des conférences. Mais les nouvelles unions furent en règle générale incapables d'un travail constructif. Les revues de référence et les publications spécialisées allemandes furent remplacées de façon insuffisante et les doutes sur le boycott augmentèrent. Pas seulement dans les pays neutres, mais aussi chez les anglo-saxons, alors que les représentants des pays qui, à l'ouest, avaient été particulièrement touchés par la guerre, la Belgique et la France, voulaient maintenir le boycott. Ils réussirent lors de la deuxième et troisième réunion du Conseil international de recherche en 1922 et 1925 à rejeter des propositions d'adhésion. Après l'occupation de la Ruhr par les troupes belges et françaises en 1923, puis le plan d'Ors en 1924, le traité de Locarno en 1925 et l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations en 1926, le climat général en Europe s'était nettement détendu. C'était ainsi les gouvernements eux-mêmes, ceux des alliés comme l'Allemande, qui poussaient de plus en plus au compromis des savants réticents. Au cours d'une réunion extraordinaire du Conseil international de recherche en juin 1926 à Bruxelles, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie furent sur un accord général invités à entrer. Du côté de l'Union académique aussi, on décida lors d'une conférence à Göttingen en mai 1927 de chercher désormais à obtenir l'intégration des Allemandes. Mais il apparaissait bien maintenant que les mises en garde de Kapteyn en 1919 avaient été très justes. Les savantes allemandes, particulièrement les plus vieux et les plus éminents d'entre eux, étaient tout simplement amers. Ils souffraient d'être constamment traités de barbares ou même de monstres, et ils ne pouvaient s'accommoder ni du paragraphe 231 du traité de Versailles sur la responsabilité de la guerre, ni de leur exclusion des groupements scientifiques qui, pour l'essentiel, étaient nés à leur initiative. Le paragraphe 231 et le boycott avaient eu essentiellement pour conséquence que les savantes allemandes, dans leur aigreur, défendaient la non-culpabilité de l'Allemagne en général et leur intégrité personnelle et n'étaient pas à même de réfléchir sur leur participation au querelle ni sur la part revenant à l'Allemagne dans la responsabilité collective de la guerre. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les sciences de la nature n'adhéraient pas au Conseil. Les sciences humaines ne se rattachèrent à l'Union académique qu'en 1935, à une époque où, à vrai dire, de tout autre problème était déjà à l'ordre du jour. Cependant, sur le terrain du congrès des spécialistes, la normalisation pour la participation allemande s'accomplit dans une très large mesure. Sur ce point, elle pouvait donner lieu à des scènes émouvantes, comme l'entrée de David Hilbert après un boycott de 10 ans au Congrès international des mathématiciens à Bologne en 1928, lorsque tous les présents à la vue de ce grand homme et savant se levèrent spontanément. Sans doute ne savaient-ils vraiment pas alors que Hilbert avait explicitement refusé de signer l'appel de 93. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 16 octobre 2014 le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres, la contribution de Jürgen von Ungern Sternberg sur les conséquences de la guerre pour la vie universitaire en Europe. Et en première partie, vous avez écouté Céline Trottmann-Waller, Berlin après 1918, une modernité problématique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des contributions. Les actes du colloque ont été publiés sous la direction d'Antoine Compagnon, chez Odile Jacob, en 2015. Un grand merci à Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des répercussions de la Première Guerre mondiale en compagnie d'Yves Coed et de Michel Perrault. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.